Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le NIDPI pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière dans la chronique un animal méconnu, discret et fantasmé. Un animal dont on ne sait au final presque rien, la fantomatique panthère nébuleuse. J'aurai ensuite la chance de recevoir Charlotte Demouzon, comportementaliste, spécialiste du chat, fondatrice d'EtoCat et doctorante en éthologie au laboratoire Éthologie, Cognition, Développement à l'Université Paris-Nanterre. Dans le cadre de sa thèse, elle est soutenue par l'entreprise Martin Cellier, fabricant d'accessoires pour chiens et chats. Elle les conseille sur la réalisation de produits adaptés aux besoins des animaux de compagnie. Elle vient bien entendu nous parler du chat, mais aussi de sa relation toute particulière avec nous, humains, qui vivons avec lui sur son territoire. Bonjour Charlotte et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Agatha. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Avec tous les aventuriers naturalistes qui ont sillonné les mers et le monde au cours des siècles, on pourrait facilement penser que l'on connaît une bonne partie des espèces vivantes qui vivent aujourd'hui sur Terre. Des missions entières sont dédiées encore aujourd'hui à faire l'inventaire des êtres vivants qui habitent avec nous. Et pourtant, on a beau scruter, inspecter, décortiquer, il semblerait que l'on soit encore bien loin du compte. Un article publié en 2011 dans le journal PLOS Biology par l'équipe de Camillo Mora se proposait justement d'inventorier le nombre d'espèces connues sur Terre et sur mer et de simuler grâce à de savants calculs le nombre d'espèces qui existeraient potentiellement sans qu'on ne les ait encore découvertes. Et le chiffre donne le tournis. Rien que chez les eucaryotes, ceux qui possèdent dans leurs cellules un noyau détenteur d'informations génétiques, séparé du reste de l'organisme, on a pu cataloguer 1 233 500 espèces sur Terre, alors que l'existence de 8 740 000 espèces serait envisagée. Dans l'océan, on a recensé 193 756 espèces, et là encore, l'étude prédit qu'il y aurait en réalité plus de 2 millions d'espèces marines. Ça donne le vertige. Or, on découvre encore aujourd'hui des centaines de nouvelles espèces chaque année. Certaines uniquement en se plongeant dans les brins entremêlés d'ADN grâce à de nouvelles analyses. C'est par exemple le cas des girafes. En septembre 2018, l'équipe de l'allemand Sven Winter révélait dans le journal Ecology and Evolution que nos girafes, Giraffa camelopardalis, que l'on pensait constituer une seule et même espèce, et 9 sous-espèces capables de s'hybrider entre elles, formeraient en réalité 4 espèces distinctes. Bon. C'est sûr, c'est moins impressionnant que de découvrir des animaux que l'on n'a jamais vus. Mais en fait, et ce, malgré les feux de forêt, le plastique dans les océans et le bruit des tractopelles, ça arrive encore. En 2017, l'expédition menée au Makai, à Madagascar, à laquelle avaient pris part les Net Explorers et Aurélie Calmet, que j'avais eu la chance d'interviewer la saison passée, a permis de révéler l'existence d'une espèce de poisson, de 3 espèces de rapaces, de 2 espèces de crabes et de 40 espèces de fourmis. Pas mal. Mais si je vous parle de tout ça aujourd'hui, si je fais des tours et des détours et que je vous entraîne en tournicotant au sein de notre luxuriante biodiversité, c'est pour mettre en lumière un animal bien particulier. Un animal dont on connaît bel et bien l'existence et dont on ne sait pourtant presque rien. Et je ne vous parle pas d'un insecte mimétique, d'un petit oiseau discret ou d'un poisson d'eau profonde. Non. Je vais vous parler aujourd'hui d'un félin. Un prédateur à la belle fourrure que l'on ne croise pourtant presque jamais. Il s'agit d'une de mes bestioles préférées, Neophelis nebulosa, la panthère longibande. Faisons son portrait. La panthère longibande est un félin de taille moyenne, à peu près comparable à notre lynx. Une 20aine de kilos, des pattes assez courtes, on la reconnaît surtout à ses motifs. Imaginez de grandes bandes noires horizontales au coin des yeux, sur sa nuque et son cou, et de très grandes ocelles, énormes taches sur son pelage, semblables à des nuages, d'où son autre nom très romantique de panthère nébuleuse. Elle est de couleur brune, parfaitement capable de se dissimuler dans la forêt où elle vit, munie d'un gros nez rose assez comique et surtout pourvue d'une queue gigantesque, presque aussi longue que son corps et qui lui permet de se mouvoir tout à son aise sur les branches des arbres de son domaine. L'une de ses particularités, vous l'aurez deviné, c'est d'être discrète. Mais si l'on a identifié sa présence du Népal à l'Indonésie en passant par Taïwan, l'animal nuageux est du genre fantomatique. Il est même amusant de se plonger dans la littérature pour constater que des scientifiques sont partis des mois, voire des années, à sa recherche et qu'ils ont uniquement dû se contenter de « on dit », de descriptions d'observations parfois vaseuses de gens qui les auraient croisés. C'est par exemple le cas d'Alen Rabinowitz, qui est parti sur les routes tout seul à Taïwan à la recherche du mystérieux animal. Il raconte dans un article paru en 1986 dans le journal Oryx qu'il a pu interroger 70 personnes, et sur les 33 fois où les gens l'auraient aperçu, seules 7 rencontres avec le félin avaient eu lieu au cours des 5 dernières années. On est presque désolé de lire que les témoignages qu'il a pu collecter remontent pour la plupart d'entre eux à plus de 20 ans sous occupation japonaise, quand les soldats achetaient des peaux à bon prix. En 1987, le même Alain Rabinowitz reprend son sac à dos et part à Bornéo. Il publie ses observations dans la même revue. Même si les témoignages sont plus nombreux, le pauvre scientifique ne verra pas la queue d'un animal. Mais de ces récits, il tirera quelques informations bien utiles, comme le fait que, aimant les arbres, les panthères nébuleuses chassent très probablement au sol et ne sont pas exclusivement arboricoles. Et on se contente de ce qu'on trouve, hein. Un papier sorti en 2018 par Yadav Guimiret et Raju Acharaya, toujours dans le journal Oryx, s'intéresse à la population népalaise de la panthère nébuleuse. Il catalogue 22 traces, preuves, observations de l'animal entre 1853 et 2014, incluant des spécimens naturalisés en muséum, des peaux saisies chez des braconniers, des individus sauvages immortalisés par des pièges photographiques et quelques rares animaux observés vivants, souvent des bébés trouvés chez des particuliers. 22 observations en 150 ans. Pas à dire, l'animal est plus difficile à croiser que le yéti. Mais qu'a-t-elle de si intéressant cette bestiole au final, si personne ne la voit jamais? Pourquoi y consacrer une chronique? Déjà, avouons-le, un animal dont on ne connaît rien ou presque, ça titille la curiosité. Ensuite, il y a quand même 2-3 trucs que l'on a réussi à apprendre sur elle, notamment par intermédiaire des animaux vivant en captivité, hébergés dans des parcs zoologiques. Déjà, vous l'aurez noté, la panthère nébuleuse est l'intermédiaire parfait entre les petits félins, du genre félis, et les gros, ceux du genre panthéra, comme les lions et les tigres. Contrairement à son nom, ce n'est pas du tout une panthère, comme le léopard, panthera pardus, que l'on trouve dans les savanes africaines et les monts escarpés d'Asie continentale. Non, rien à faire, il n'y a qu'elle à être à l'interface, c'est elle la seule néophélice. On peut le dire, elle est unique en son genre. Sa caractéristique anatomique la plus marquante réside dans ses mâchoires. Figurez-vous qu'avec 5 cm de long, la panthère nébuleuse possède les plus grandes canines comparativement à sa taille. C'est un héritage direct des dents en forme de poignard des smilodons, les tigres à dents de sabre qui vivaient à l'époque de nos ancêtres préhistoriques. Plutôt badass. Ensuite, elle est la seule avec son cousin vivant en Amérique du Sud, le marguet, à être capable d'acrobaties arboricoles hors du commun. Elle peut courir à la verticale, la tête en bas, sur les troncs ou encore faire le cochon pendu, en se maintenant sur une branche uniquement avec les deux pattes arrière. Plutôt balèze. Plus récemment, on a découvert, comme les girafes, que la panthère nébuleuse, au final, constituait deux espèces distinctes. Néophélis nébulosa, qu'on trouve sur le continent, et Néophélis diardi, qui vit sur les îles indonésiennes. Des différences au niveau du pelage, mais aussi au niveau génétique, ont permis de trancher. Et c'est l'équipe d'Andrew Kitchener, en 2006, dans le journal Current Biology, qui en fait mention. La bonne nouvelle, c'est que cette découverte permet de lancer des réflexions sur des programmes de conservation adaptés à chaque milieu où vit l'animal. Tout n'est pas perdu. Il y a quelque chose d'attrayant et de très séduisant chez la panthère nébuleuse. On ne peut pas le nier. S'intéresser à un animal comme celui-là relève de la quête mystique, au même titre que les premiers explorateurs partis à la recherche de l'okapi ou du saola, des animaux si discrets qu'on les a longtemps considérés comme légendaires. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas l'épaisseur de la forêt qui maintient la panthère nébuleuse loin des hommes, c'est la disparition de son milieu qui l'a fait petit à petit s'évanouir de nos radars. Espérons que son mystère perdurera et la préservera de la nostalgie qui entoure le dodo ou le thylacine, d'autres animaux merveilleux uniques sur lesquels on ne peut plus que se lamenter avec regret. Et nous revoilà avec notre invitée, Charlotte Demouzon, comportementaliste spécialiste du chat, fondatrice d'Etocat et doctorante en éthologie au laboratoire Éthologie, Cognition, Développement à l'Université Paris-Nanterre. Elle nous parle aujourd'hui de la relation homme-chat. Alors, en entendant le mot comportementaliste, beaucoup peuvent penser à psychologue pour animaux, psy, en faisant des raccourcis parfois un peu maladroits, voire carrément erronés. Alors, en vrai, en quoi ça consiste réellement le métier de comportementaliste ? Oui, alors en effet, quand je rencontre des gens pour la première fois, c'est souvent le terme qui revient... Psy pour chat. Voilà. Donc je trouve pas forcément super valorisant, mais bon, c'est comme ça que c'est dans l'esprit commun. Après, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que le comportementaliste va agir comme un médiateur de la relation entre un humain et son animal, que ce soit un chat ou un chien, parce qu'on peut être aussi comportementaliste canin. Et donc qui va faire un petit peu le lien entre les besoins de l'animal et souvent les attentes des humains qui peuvent différer des besoins de l'animal. Donc vous êtes là pour un petit peu traduire quand le propriétaire ne comprend pas les signaux envoyés par son animal. Oui, c'est un peu, c'est un peu le but. Ouais. Plus l'échange. Mmh. Alors, on l'a dit, vous êtes aussi éthologue. Alors, quelle est la différence entre l'éthologue et le comportementaliste ? Est-ce que ce sont deux approches différentes ou complémentaires ? J'aurais tendance à dire plutôt complémentaire. Après, ce sont deux professions différentes. Hein. L'éthologue, c'est un scientifique qui a un bac plus 5 en éthologie et qui a fait un master, généralement après une licence de biologie ou de psychologie. Alors qu'un comportementaliste n'a pas forcément besoin d'avoir fait d'études supérieures pour exercer. D'accord. Il n'y a pas de formation diplômante de comportementaliste aujourd'hui en France. Alors justement, c'est ce que j'allais me demander. Si c'est un métier récent, innovant, est-ce qu'il est reconnu ? Il n'est pas forcément reconnu. Il y a des évolutions qui se font là aujourd'hui de plus en plus. En tout cas, dans l'esprit commun, c'est de mieux en mieux accepté. Alors je crois qu'on fait la distinction entre métier et profession. D'accord, et je l'ignorais. Donc voilà, comme il n'y a pas de formation diplômante pour cette profession, il n'y a pas de réelle reconnaissance. Et justement, c'est quelque chose qui serait vraiment très intéressant de développer et d'arriver à en faire une formation diplômante pour qu'on puisse la reconnaître. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de formations privées qui foisonnent. Et puis, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a des formations sérieuses, mais il y a aussi des formations en ligne sur une semaine. Mmh. Et c'est vrai que ça... C'est un peu court. Voilà, c'est un peu court. Ou les formations où on dit que ça dure 2 ans, mais sauf qu'en fait, c'est des cours en ligne qui sont disséminés pendant 2 ans de manière ponctuelle. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Et effectivement, ça contribue au fait que ce métier soit parfois mal vu et qu'on puisse penser que les comportementalistes sont des charlatans, alors que il y a des comportementalistes qui exercent leur métier de manière très rigoureuse et passionnée. Oui, parce qu'on peut se dire, s'il y a à la fois des comportementalistes qui s'autoproclament spécialistes du chat, parce qu'ils ont juste vécu avec des chats par le passé, et ceux qui ont une approche plus on va dire rigoureuse, carrée, etc., sur la question, ça ne doit pas être évident non plus pour les clients, pour savoir à qui s'adresser, du coup. Exactement, ouais. C'est pas évident, et c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ce que les gens ont fait et pas simplement lire des sites où j'ai toujours vécu avec des chats, j'ai lu énormément, je me suis formée. Pour moi, c'est très important. Après, c'est peut-être mon côté aussi, entre guillemets, pas universitaire, mais d'avoir fait des études supérieures. Mais pour moi, la formation, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et aujourd'hui, il y a des initiatives de formation diplômante qui sont en cours et j'espère qu'ils vont vraiment voir le jour pour bientôt. Développer ça. Oui. Bon, super, on garde les doigts croisés. Oui. Alors, sur le terrain, alors, comment ça se passe ? Moi, j'ai envie de vous demander à quoi ça ressemble une consultation ? Comment est-ce que ça déroule ? Est-ce que vous rendez directement chez les gens pour rencontrer les chats, voir comment ça se passe ? Alors, dans mon approche, moi, spécifiquement, oui, je préfère me rendre chez les gens parce que je trouve que ça permet de vraiment pouvoir appréhender le chat dans son environnement quotidien et de pouvoir observer aussi l'humain dans sa relation avec son chat et de voir comment l'un et l'autre se comportent l'un envers l'autre. Je trouve qu'il n'y a rien de tel que d'être vraiment sur place pour voir tout ça. Et puis aussi de simplement... Alors, on fait un tour de la maison, donc ça permet aussi de voir l'environnement et de bien cerner quels sont les endroits où le chat va passer plus de temps ou quels sont les endroits où le chat va faire ses griffes. Et même parfois, je vois des choses que les humains ne voient pas parce que j'ai l'œil affûté. mais simplement, on peut voir des traces de frottements sur les coins des portes, parfois. Ils marquent, ce genre de choses. Ou effectivement, ouais. Ils vont marquer en déposant leurs odeurs sur les coins des portes, des tables, ou en tout cas les lieux de passage ou de vie. Et ça arrive souvent que les gens ne le voient pas, mais ça connote un besoin peut-être accru de marquer à certains endroits. Et pour moi, c'est toujours un indice. Qu'on ne peut pas avoir juste par téléphone ou en consultant voilà, par ailleurs. Exactement. Donc, l'idée, c'est... Et une fois que vous arrivez, donc, les gens vous présentent le problème, Vous faites un tour d'horizon, vous leur posez des questions pour essayer de cerner Oui, alors tout ça. En fait, alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est... J'aime bien d'abord me poser directement avec les gens et commencer par leur poser tout un tas de questions parce qu'en fait, ça permet au chat de s'habituer à ma présence et de ne pas être tout de suite en train d'aller voir et faire le tour de la maison. Donc j'y vais doucement pour être le moins perturbante possible dans son quotidien. Et donc, effectivement, je pose tout un tas de questions aux gens sur l'histoire de vie du chat, ses conditions de développement précoce, l'organisation de leur quotidien, comment le chat se positionne dans son environnement aussi quotidien, quels sont ses lieux de prédilection, quels sont les endroits où il va avoir tendance à marquer. Enfin, voilà, je fais un tour d'horizon en essayant d'être le plus exhaustif possible pour ne rien louper, parce qu'en fait, tout peut être un indice de d'où vient le problème, en tout cas quand on m'appelle pour un problème. Donc pour moi, c'est important d'être le plus exhaustif possible. Je vais aussi beaucoup observer le chat, donc essayer de voir lui comment il réagit à certains stimuli, comme voilà mon plumeau, ou enfin voilà, il y a des petites choses. J'essaie de voir. Je pose aussi des questions aux gens sur le tempérament de leur animal. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont vues et ça dure, je dirais au moins la moitié du temps de la consultation. D'accord. Et puis après on fait un tour et effectivement je regarde un petit peu tous les endroits où le chat a tendance à faire sa vie. Et du coup, dans les points vraiment cruciaux qu'il faut vraiment ne pas négliger pour essayer de cerner le problème, poser un diagnostic, ça serait plutôt quoi ? Est-ce que c'est... Mais en fait, j'ai envie de dire que tout est important. Tout est important. Il n'y a rien à négliger. Non, il n'y a rien à négliger parce qu'on peut être appelé pour une problématique qui va nous paraître purement environnementale et puis en fait se rendre compte que, en sous-jacent, il y a des problématiques dans la relation avec l'humain. Donc par exemple, des griffures, des choses comme ça, par rapport, mon chat abîme le canapé, et puis on se rend compte que finalement, c'est pas juste... En tout cas, lui, il va extérioriser son stress là-dessus, et ça va pas être simplement un besoin de marquage pur et dur, mais ça va être une façon d'extérioriser un stress qui peut être dû à l'humain. D'accord. Qui peut être soit parce que l'humain communique par l'agressivité avec son chat, soit parce que l'humain est très, très, voire trop présent, ou inversement. Enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses, donc c'est pour ça que c'est important de pas partir avec une idée préconçue et de vraiment être attentif à tout. Oui, c'est un vrai travail d'enquête dès le début. D'observation. Et c'est là-dessus que, en tout cas, ma formation d'éthologue, je trouvais intéressante parce qu'on a vraiment on développe beaucoup de capacités d'observation en tant qu'éthologue. C'est la base du métier, il faut vraiment tout observer. Oui. Et donc, on disait qu'il faut tout étudier, mais dans quel cas de figure les gens font le plus souvent appel à vous ? C'est quoi les problèmes les plus récurrents qui font que les propriétaires sont en détresse ? Le premier problème, et donc le terme courant qu'on utilise pour ça, c'est la malpropreté. D'accord. Qui est un terme que moi, je n'utilise pas et je trouve intéressant de le souligner. Tout à fait. Parce qu'en fait, quand le chat fait ses besoins en dehors de sa litière, ça ne veut pas dire qu'il est malpropre. Ça veut dire qu'il a forcément quelque chose à exprimer et qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté pour lui. Donc moi, je parle d'élimination hors litière ou hors bac. Enfin, voilà, il y a des variantes. La deuxième problématique la plus courante, ça va être l'agressivité, globalement. Donc, des griffures, des morsures. Les chats qui attaquent, donc soit les mains, soit les chevilles, soit les étrangers, soit leurs propriétaires. Il peut y avoir plein d'agressivités différentes, soit même un congénère. Hein, ça peut rentrer dans le cadre d'une cohabitation. Ça peut être un autre chat, ça peut être un chien. Bon, après, quand c'est un oiseau, c'est un peu plus problématique. Compliqué. Mais voilà. Et donc je dirais que c'est en deuxième position. Et puis après, derrière tout ça, on va avoir les miaulements intempestifs, les agitations nocturnes. Qu'est-ce qu'on peut citer Ça fait déjà un panel. Oui, les griffades. Les griffades, c'est aussi souvent quelque chose qui va déranger forcément les propriétaires. Le chat fasse ses griffes ailleurs, ailleurs où c'est prévu. Un endroit dédié, donc notamment le canapé en cuir, c'est souvent le plus dérangeant. Ou les papiers peints, voilà. Oui, donc ça fait un large panel. Oui, oui, il y a plein de raisons de consulter. Et donc, moi, je me demandais, est-ce que c'est vrai, donc à chaque fois, bien sûr, donc il y a un problème, le propriétaire ou la propriétaire s'en rend compte, fait appel à vous, mais de ce que je comprends, souvent, ces problèmes sont liés à leur relation. C'est qu'il y a un problème de communication entre l'humain et le chat qui se manifeste par ses comportements, on va dire, anormaux. Et je me dis, est-ce que c'est facile de faire entendre aux gens que parfois, ils n'ont pas fait les bonnes choses ou ils ont fait des choses maladroites vis-à-vis de leur animal? Oui, alors pour revenir sur ce que vous dites, effectivement, ça peut être lié à la relation, c'est pas systématique, ça peut être des problématiques purement environnementales. Oui. Souvent, c'est un peu des deux. On s'assure qu'il peut y avoir des besoins qui ne sont pas remplis dans l'environnement, donc que ce soit en support de marquage ou en termes d'alimentation, voilà. Environnemental, ça serait vraiment la disposition des ressources dans l'environnement du chat. Voilà. Ça pourrait être juste ça qui peut être l'origine du mal-être. Ça peut être effectivement tout simplement ou le fait de d'avoir des sorties qui ne sont pas libres ou qui sont gérées qui sont pas gérées de manière qui sont peut-être trop aléatoires pour le chat. Enfin voilà. D'accord. Mais parfois on a des gens qui rencontrent des problèmes avec leur chat mais qui n'ont pas du tout de problème dans la relation. Oui, ça n'a rien fait de mal. Oui, enfin, voilà, de toute manière, même quand il y a un problème dans la relation, c'est pas qu'on fait quelque chose de mal, c'est que ça part la plupart du temps d'une méconnaissance. Bah oui, complètement, c'est ça. Et donc, pour en revenir à votre question... Est-ce qu'elle l'accepte facilement, ouais. Et voilà, ça peut effectivement être finalement la partie la plus compliquée complètement dans une consultation, surtout quand les choses sont installées depuis très longtemps ou quand je vois des gens qui ont eu des chats toute leur vie et puis ils ont toujours fait comme ça et ça s'est toujours bien passé. Donc pourquoi avec ce chat-là en particulier j'ai des problèmes? C'est vrai que parfois les convaincre à appliquer des changements, ça peut être la partie la plus compliquée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, avec l'expérience, j'ai vraiment tendance à prévenir les gens avant le rendez-vous qui va certainement que voilà, je ne viendrai pas pour modifier le chat, mais qu'il y aura forcément des choses à faire et que ce sera certainement à l'humain de faire la plus grosse partie du travail. S'adapter. Voilà, mais c'est vrai que après, en expliquant aux gens que c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que les chats ne s'adaptaient pas avant, généralement ça passe parce que en fait ils comprennent qu'effectivement, ça veut pas dire qu'ils faisaient bien, mais ça veut dire qu'ils avaient un chat qui était peut-être plus flexible que le chat qu'ils ont en l'occurrence. Pour continuer à ronronner de plaisir, on vous propose une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Change the C'était No Quit de Michael Now, sorti sur le label Karma Chief. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94 FM, dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Je reçois aujourd'hui Charlotte de Mouzon, comportementaliste, spécialiste du chat, fondatrice d'EtoCat et doctorante en éthologie au laboratoire Éthologie, Cognition, Développement, Université Paris-Nanterre et au sein de l'entreprise Martin Cellier. Alors on le disait plus tôt, avant la pause, le chat domestique partage nos foyers depuis des siècles, mais il souffre encore parfois de nos approximations quant à ses besoins et ses désirs. Alors moi je me demandais, quels sont les a priori sur le comportement du chat que vous rencontrez le plus souvent auprès de vos clients? Alors je dirais que peut-être le plus courant, ça va être, enfin ce qu'on va entendre, ça va être le chat est un animal très propre. Donc il veut absolument que sa litière soit nettoyée, sente bon, qu'on la nettoie au quotidien, voire plus. Et donc effectivement ça lui porte un peu préjudice parce qu'en fait un des premiers besoins du chat c'est le besoin de marquage et lorsqu'il urine et en fait ça lui permet aussi de déposer ses odeurs dans son environnement. Il y a un message. Exactement, il envoie des messages et donc le fait de nettoyer sa litière trop assidûment ça peut être source de stress pour lui finalement et de mal-être. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Par exemple, pour en revenir à l'agressivité, on va entendre, mais le chat c'est un félin prédateur, donc c'est normal que c'est normal qu'il soit agressif. Et pas du tout, parce que dans une vie commune entre un animal et un humain, et en l'occurrence le chat et l'humain, on peut très bien proposer au chat des choses qui vont le remplir son besoin de prédation sans développer des agressivités. Et un chat qui a toujours été traité avec respect d'une certaine manière et avec qui on n'a jamais joué de manière un peu vigoureuse. En fait, il n'a aucune raison de développer d'agressivité dans son quotidien. Propriétaire, ouais, exactement. Voilà, qu'est-ce que je peux citer d'autre? On en ressort un petit peu, mais pendant très longtemps, on disait, le chat, il va manger matin et soir, comme nous, comme le chien, et c'est comme ça qu'il faut le nourrir. Alors qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'un chat, ça doit manger entre une dizaine et une vingtaine de petits repas par jour. Et il grignote un peu tout le temps. Voilà, c'est un grignoteur, il a vraiment un système digestif qui est adapté à ça. Et le problème de lui donner, de le rationner en deux fois, c'est que il va développer énormément de frustration. Et puis surtout, le reste du temps, c'est presque comme si son organisme était en jeûne, parce que sa digestion est très très rapide. Donc il a besoin vraiment de grignoter très couramment dans la journée. Donc souvent, quand après une stérilisation, le chat prend un peu d'embonpoint, les propriétaires vont dire je rationne. Et en fait, c'est la mauvaise chose à faire, parce que après le chat va encore plus stocker, se jeter dessus et aussi quand se jeter. Et on peut arriver à des problèmes effectivement d'obsession de chat voleur. Alors les gens disent ça alors qu'en fait le chat n'est pas voleur, simplement il a faim donc il va chercher la nourriture. Et si elle est dans l'assiette du propriétaire, tant pis. Voilà, c'est comme ça, c'est un besoin à remplir. Et c'est vrai que dans les a priori, souvent on entend que le chat est indépendant, on le compare souvent au chien. Il y a plein de blagues sur internet que le chien vous suit partout, que le chat vous habitez dans sa maison et il vous tolère. Il y a pas mal d'idées là-dessus. Est-ce que pour autant, il peut souffrir de solitude? Est-ce que si son humain n'est pas assez proche de lui, finalement, il va en souffrir? Bien sûr. C'est vrai que la phrase « le chat est indépendant », c'est pareil. C'est pas forcément adapté à son bien-être, parce qu'on va se dire le chat, on peut le laisser toute la journée, 2 jours, 3 jours, même une semaine quand on part en vacances avec quelqu'un qui vient le nourrir mais qui lui fait pas de caresses. En fait, comme tout animal, le chat, c'est un animal qui a des besoins affectifs. Évidemment qu'il y a des variations interindividuelles. Il y a des chats qui sont peu tactiles, il y a des chats qui le sont énormément. Et donc, il ne faut pas se dire les chats sont indépendants, donc ils n'ont pas besoin. Parce qu'il y a des chats qui ont énormément de besoins affectifs. Et il faut être à l'écoute de ça, évidemment. Et ça existe, vous avez déjà rencontré des chats qui justement étaient frustrés de ne pas avoir assez de câlins ou qui du coup étaient demandeurs et ou développaient des troubles parce qu'ils n'avaient pas assez d'attention? Oui, bien sûr. Alors c'est pareil, c'est un terme qui est utilisé que j'aime pas forcément, mais on parle souvent d'hyperattachement. D'accord, oui. Où, en fait, le chat ne peut pas être loin de son propriétaire. Donc, dès que le propriétaire change de pièce, le chat change de pièce avec lui. Il est en sollicitation permanente. Voilà, donc, bien sûr qu'il y a des chats qui sont vraiment très, très attachés à leur maître. Et je pense que, en fait... Le fait qu'on les prenne très, très jeunes, souvent, Souvent à 2 mois, en fait. Ils sont à peine sevrés. Oui, alors on dit qu'à 2 mois, le chat mange des croquettes, donc il est sevré, donc tout va bien. Mais en fait, à 2 mois, il a encore énormément d'apprentissage à faire. Et donc, c'est comme si on prenait un enfant humain et qu'on disait, bon, il sait manger, c'est bon, il peut aller dans sa nouvelle famille. Voilà. Donc, il a encore tout un tas d'apprentissage à faire auprès de sa mère. Donc, idéalement, un chat devrait rester avec sa mère jusqu'à ce que la mère provoque le détachement. Et naturellement, si on le laisse faire, ça va plutôt se situer autour des 4 mois. Et donc, ce bébé chat qu'on prend chez nous, forcément, il a besoin d'une figure maternelle et il va souvent compenser avec l'humain qui est présent. Et ça peut être parfois pire quand c'est un humain qui est seul, parce que vraiment, il y a cette relation très fusionnelle qui peut se développer entre chien et presque, voilà. Et le problème, c'est que en fait, dès que le propriétaire n'est pas là, le chat est en souffrance, donc il faut pouvoir gérer ça avec plus de détachement. Sacré travail, en effet. et au niveau de solutions un peu pratiques, donc on a donné quelques exemples de troubles qui peuvent apparaître chez les chats domestiques. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer pour améliorer un problème? Par exemple, on parlait des histoires de... Alors, malpropreté, vous n'aimez pas trop, mais plutôt de trouver un chat qui va faire ses besoins en dehors de sa litière ou de griffure. Quelles alternatives vous pouvez, par exemple, proposer? Alors, j'imagine qu'il y a plein de cas de figure différents. Bien sûr, il y a plein de cas de figure. Alors, en tout cas, c'est difficile de partir, de dire comment je vais régler une problématique, parce qu'il y a toujours tout un tas de choses. Mais en tout cas, dans l'idée d'améliorer la relation avec son animal, pour moi, la première chose, c'est d'être vraiment à l'écoute de son animal. Donc vraiment, d'apprendre à observer ses comportements et apprendre un petit peu à le lire et de savoir quand il peut émettre des signaux de stress ou quand il peut émettre des signaux d'agacement, tout simplement, dans une interaction. Et surtout, respecter la façon dont le chat communique. Ça, c'est pour moi, je pense, une des clés de la relation, ça va être d'être à l'écoute. Après, pour ce qui est vraiment... purement concrètement, effectivement, c'est très important de pouvoir remplir tous les besoins fondamentaux, qu'ils soient biologiques ou comportementaux. Et je parlais tout à l'heure de besoins de marquage. Et donc, typiquement, c'est important pour le chat d'avoir une litière qui permette un minimum la diffusion de ses odeurs. Donc, une litière qui est fermée avec porte et couvercle, ça peut être quelque chose de très frustrant, voire stressant pour lui. Une litière parfumée, ça peut être problématique pour le chat. Une litière qu'on change trop souvent, ou une litière qui est cachée tout au fond du cagibi où personne ne va jamais, parce qu'en fait, pour lui, comme c'est un support de marquage, il faut quand même que ce soit perçu un minimum. Donc on ne va pas le mettre au milieu du couloir, c'est peut-être un peu trop, mais ça peut être dans un angle, un coin d'une pièce de vie par exemple. Ça va être tout un tas de choses qu'on va proposer sur, entre guillemets, la litière idéale. Et ça, par exemple, ça peut, pour supprimer du coup ces besoins faits en dehors de la litière, juste travailler sur l'emplacement, sur réduire... On ne peut pas, honnêtement, c'est très rare, oui, mais c'est très rare qu'on règle un problème avec juste un changement de litière. Il y a d'autres comportements à améliorer, bien sûr. Souvent, dans des cas de malpropreté, quand les gens font appel à un comportementaliste, malpropreté entre guillemets... Bien sûr. quand les gens font appel à un comportementaliste, c'est qu'ils ont déjà essayé plein de choses. Donc, ils ont lu plein de choses sur Internet. Bon, ils n'ont pas forcément lu les bons conseils, mais en tout cas, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui avaient essayé plein de types de litières différents et puis ça ne changeait rien. Parce que, en fait, c'est rare qu'il y ait juste un problème de litière. Et comme je disais, c'est pas la cause à effet est rarement très simple. C'est pas litière égale malpropreté. C'est très, très rare. Donc, c'est vraiment d'avoir une vision globale du comportement du chat et essayer d'anticiper ça. Et donc... pour finir sur votre question, je dirais que en troisième, je dirais que c'est important de ne pas punir ou gronder les comportements qui nous dérangent, mais de plutôt chercher à les rediriger sur des supports qui nous conviennent et qu'on accepte. Parce qu'il faut vraiment se mettre en tête que, par exemple, les griffades, c'est un comportement essentiel aux besoins du chat. Et on ne peut pas dire, voilà, je l'empêche, je lui mets des choses sur les griffes, je lui coupe les griffes toutes les semaines. Ah, ouais. Voilà, c'est quelque chose qui est essentiel à son bien-être. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment lui proposer des griffoirs qui sont adaptés. Donc, souvent, les gens disent, oui, mais j'ai déjà essayé les griffoirs, il n'en veut pas. Il préfère le peut-être canapé. Peut-être que ce n'était pas le bon griffoir, ouais, ou peut-être qu'il n'était pas placé à la bonne, au bon endroit, ou peut-être qu'il n'était pas suffisamment haut ou pas suffisamment stable. Donc, voilà, l'idée, ça va être vraiment de trouver... Qu'est-ce qui correspond aux besoins du chat et de le proposer. Et généralement, quand on repropose ça et qu'on passe... Bon, après, il peut y avoir des étapes de déconditionnement, de reconditionnement, tout ça. Mais généralement, tout le monde s'en porte mieux parce que le chat fait les choses de manière volontaire et l'humain sauve son mobilier. Donc, tout le monde est content, finalement. La meilleure des choses, c'est vraiment la paix dans le ménage. Voilà. Alors, en plus de votre activité de comportementaliste, vous menez en plus en ce moment une thèse dédiée à la relation donc, entre l'humain et le chat domestique au laboratoire Éthologie, Cognition, Développement de l'Université Paris-Nanterre. Alors, moi, je suis curieuse, donc je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et sur quoi se portent vos études ? Alors, dans le cadre précis de ma thèse, bien que j'aurais voulu étudier... tout un tas de millions de choses. Forcément, même si ça dure 3 ans, on est obligé de se concentrer. Faut choisir. Voilà, faut choisir. Donc, je me suis focalisée sur la communication entre l'humain et le chat. Et donc, alors, j'ai commencé, là, dans mes premiers protocoles, à étudier la communication vocale. D'accord. Et par la suite, j'étudierai la communication visuelle pour avoir vraiment une vision un peu plus globale de comment l'humain et le chat communiquent. Intéressant. Et donc, on va vraiment s'intéresser... aux deux côtés et regarder alors à l'humain et au chat bien sûr, donc comment l'humain communique, est-ce que l'humain s'adresse à son chat de manière spécifique, est-ce qu'il a un type de discours spécifique, ce qui a été démontré chez le chien par exemple. Et souvent quand on parle aux animaux, les gens prennent une voix un petit peu je vais pas dire bébête mais un petit peu oui, avec un petit peu voilà, bébé. Ouais, alors, c'est ça. En tout cas, chez le chien, ça a été démontré par Sarah Janin, qui était avant aussi au laboratoire d'éthologie, cognition, développement. Et que donc, effectivement, quand les gens parlent à leur chien, ils vont utiliser un type de discours spécifique qu'on appelle le pet directed speech et qui est très semblable à l'infant directed speech, donc le discours adressé au nourrisson. Donc, on parle à un bébé comme à son chien. Et même, on utilise des termes, dire « Comment ça va, mon bébé ?» On entend des choses comme ça, très souvent. Et ça n'avait pas été montré chez le chat. Donc, je me suis attachée à ça en premier. Donc ça, c'est vraiment comment l'humain s'adresse au chat. Ensuite, on va regarder comment le chat réagit aux différents types de discours émis par l'humain. Donc, est-ce que le chat réagit plus si on lui parle de cette manière-là, par exemple ? Et puis voilà. Puis on va regarder aussi, est-ce que le chat réagit plus à différentes postures ? Voilà, l'idée, c'est de se focaliser en deuxième partie. Sur le visuel. Surtout sur comment le chat comprend les signaux de communication humains. D'accord. Ensuite, j'espère avoir le temps d'arriver à voir comment le chat, lui, s'exprime pour communiquer envers l'humain. Mmh. Est-ce que le chat a des manières de communiquer qui sont spécifiques à l'humain ? Et on va notamment penser au miaulement, parce que on a souvent... c'est assez de notoriété publique, en tout cas au sein des comportementalistes, que le chat ne miaule que pour s'adresser à son humain. D'accord. Et qu'en fait, les chats, entre eux, ne vont miauler ou vocaliser qu'au moment de la reproduction, ou dans la relation mère-petit, d'accord, ou au moment des bagarres. Mais en fait, deux chats adultes qui communiquent entre eux de manière saine et courante... Plutôt pacifique, oui. Voilà, ils vont plutôt utiliser de la communication visuelle ou chimique, mais bon, ça, on a du mal. Ce qui est intéressant, c'est de voir si le chat s'est vraiment adapté pour communiquer avec l'humain de cette manière vraiment spécifique. Parce que c'est vrai que souvent, les animaux domestiques, c'est ça, on les a un petit peu sélectionnés pour vivre avec nous, mais c'est intéressant de voir que finalement, ils se sont aussi eux aussi s'adaptent, bien complètement. Sûr, à l'humain. Après, c'est mon parti pris, mais moi, j'ai tendance à penser que souvent, les gens disent « je vis chez mon chat », et c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à penser que finalement, le chat s'adapte beaucoup plus à l'humain que ce qu'on ne veut bien penser. Et voilà. Et le dernier point, ça va être de voir comment les humains comprennent, eux, les chats. Et ce qui est un peu au cœur, finalement, de la problématique du métier de comportementaliste. Hein, parce que on peut se rendre compte que parfois, les humains vont mal comprendre les signaux de communication émis par les chats. Que ça peut être, par exemple, le ronronnement, ça peut être les mouvements de la queue. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de signaux émis par le chat que l'humain ne comprend pas. Et donc, l'idée, ça va être d'étudier un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Eh bien, voilà. Sacré programme. Oui, donc, il y a du travail. On vous dit rendez-vous dans 3 ans pour avoir les résultats de tout ça. Dans 2 ans. Merci beaucoup, en tout cas, Charlotte, d'être venue répondre à mes questions de participer à la modération de la collaboration avec nos amis félins. Donc, on attend les résultats avec impatience. En attendant et pour patienter, n'hésitez pas à consulter le site de Charlotte Etocat à l'adresse etocat.com. Et on finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour ce conseil lecture, je me fie aux indications de notre invité qui m'a proposé 2 ouvrages dédiés à nos félins préférés. Le premier est une bible en la matière et il parle du comportement du chat domestique. Il s'agit de l'ouvrage « Comment penser chat » de Pam Johnson Bennett, traduit par Julien Deleuze et paru aux éditions Petite Bibliothèque Payot. Bien que de format poche et donc à prix modeste, le livre comporte 540 pages. Il n'est pas illustré mais le style est fluide et agréable, l'autrice prodiguant ses conseils et ses explications avec une grande simplicité. Le livre se veut être un guide pour tout propriétaire de chat. Il ratisse tous les aspects de la vie avec votre animal, de l'adoption aux soins médicaux, aux troubles du comportement, en passant par les cas les plus courants de maladies, les gestes à mettre en place pour éviter tout conflit, et même comment aborder la fin de vie et la mort de son animal. Ce livre inventorie tout ce que vous pourriez avoir besoin de savoir, et les réflexions sont pleines de bon sens et écartent certaines idées reçues. On y voit aborder les soucis liés aux races et à la sélection artificielle, la mauvaise idée d'acheter un chat en animalerie, ou encore celle de leur donner du lait. Un livre indispensable. Le second ouvrage, d'un tout autre genre, mais d'un prix tout aussi raisonnable, s'intitule « Mon chat sur le divan », écrit par Anne-Claire Gagnon, illustré par Christophe Besse et paru aux éditions Larousse. Son sous-titre résume le but de ce livre, décrypter les tocs et autres troubles de votre félin préféré. Tout est dit. Le livre de 126 pages traite des cas, souvent sur 2 doubles pages. Le problème est raconté à la première personne, par le chat, le tout illustré de manière légère et amusante par le dessinateur, sur la première double page. Puis les 2 pages qui suivent décrivent le comportement du chat dans ce cas précis, sa signification et les solutions à mettre en place. Une petite introduction sur les besoins du chat et sa biologie est suivie d'une longue liste des soucis les plus communément rencontrés, analysés avec finesse et bon sens. On retrouve l'exemple du matou qui fait ses besoins en dehors de sa litière, de celui qui gratte le canapé ou jette tout ce qu'il voit par terre, de celui qui n'aime pas les caresses, celui qui mange trop ou encore celui qui miaule tout le temps. Un vrai guide pratique. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.